George Sand, La Dame de Nohant, par Jules Chancel. Certes, elle fut romanesque plus que n'importe laquelle, l'existence de cette femme, qui joignit toutes les séductions de son sexe à la puissance masculine, qui réussit cette gageure de rester mère à travers les difficultés de la lutte littéraire, qui mena tour à tour la vie de bohème, telle que la comte à Murger, et celle de la châtelaine aimée et respectée dans sa province. George Sand fut tout, même homme politique, ce qui ne l'empêcha pas de finir simplement en bonne grand-mère. « Je suis né, nous dit-elle dans ses mémoires, l'année du couronnement de Napoléon, c'est-à-dire en 1804. » L'auteur s'évertue ensuite à nous prouver que bien qu'étant l'arrière-petite-fille d'Auguste II, roi de Pologne, et proche parente par conséquent de Charles X et de Louis XVIII, elle tient cependant au peuple par sa mère, pauvre enfant du vieux pavé de Paris. Quant à son père, malgré sa noble ascendance, il était maître oiselier, c'est-à-dire qu'il vendait des serins et des chardonnerets sur les quais, et Lucien Dupin attribue à cet atavisme le goût qu'elle eut toute sa vie pour les oiseaux, seule espèce animale, dit-elle, sur laquelle elle exerçait une puissance fascinatrice. L'enfant de la future femme de lettres se passa en Berry, au château de Nohant, sous l'égide de sa grand-mère, qui lui fit donner une éducation très complète, latin, versification et mathématiques, auxquelles elle ne comprit jamais goutte. Par contre, à 12 ans, elle lisait les philosophes, Locke, Condillac, Descartes, Bossuet, Leibniz, et surtout Jean-Jacques Rousseau, qui eut sur elle une influence dont nous constaterons plus tard les résultats. Ses études, sévères pour une gamine de 12 ans, étaient coupées par de folles randonnées dans la campagne avec les enfants du village. On faisait le ravage sur les arbres ou dans les ruisseaux, et l'été, la vente joyeuse se roulait sur les voitures de foin odorant. Ce fut ainsi qu'Aurore prit ce goût profond des choses de la campagne, qui ne la quittera jamais. C'est à 12 ans aussi qu'elle commença à écrire en essayant de fixer ses impressions rustiques dans une nouvelle intitulée « Une nuit d'été au clair de lune ». On envoya cette première élucubration à sa mère qui écrit « Tes belles phrases m'ont bien fait rire. J'espère que tu ne vas pas te mettre à parler de cette façon. » Sans se formaliser le moins du monde, la jeune auteure de répondre « Sois tranquille, ma petite mère, je ne deviendrai pas une pédante. Et quand je voudrais te dire que je t'aime, je te le dirai tout bonnement comme le voilà dit. » Pas pédante, certes, était cette fillette aux allures libres, éprise d'exercice et de grand air, qui prenait des leçons d'équitation avec un beau maréchal des logis de dragons, et courait la campagne avec lui à Franquetrier. Sa grand-mère, un peu effrayée par ses goûts de liberté, l'a mis en pension au couvent des dames anglaises à Paris, où elle resta 3 ans. Pendant ce temps, la bonne grand-mère était morte. Aurore quitta sa pension pour aller mener une vie austère auprès de sa mère malade. Il faut croire que la vie austère n'était pas son fait, car elle tomba dans la tristesse et ne parlait que de retraite et de claustration. M. Dupin voulut à toute force marier cette fille dont la tristesse l'inquiétait, mais celle-ci s'y refusa énergiquement, et son père alla jusqu'à la menacer du couvent, s'il persistait dans cette répugnance pour le mariage. Cette contrainte mérite d'être notée, car elle excusera la conduite future de notre héroïne. Ce fut à Tortoni qu'elle fit la connaissance du marquis Casimir Dudevant, sous-lieutenant d'infanterie, homme quelconque, mais qui ne méritait pas la réputation de laideur, de brutalité et de bêtise qu'on lui fit au moment du retentissant procès en séparation qui devait terminer cette union. Ce qui séduisit Aurore, ce fut que l'officier lui demanda directement sa main. Ce procédé qui était pour l'époque plein de hardiesse plut à la jeune fille, et elle accepta ce fiancé qu'elle n'aimait pas. Ce mariage paraissait cependant des plus raisonnables. Casimir avait en perspective de beaux héritages, Aurore possédait 500 000 francs, ils s'épousèrent le 10 septembre 1822. Rien dans les premières années du ménage ne semblait faire prévoir la femme garçonnière et émancipée que devait être George Sand. Retirée à Nohant, elle attendait paisiblement son premier enfant, en cousant des layettes et en accueillant les jours de neige les petits oiseaux dans sa chambre. Dudevant, pendant ce temps, courait la campagne, chassait et se plaignait hautement de sa femme, qui lui préférait les livres et avec laquelle il ne savait que dire. Ajoutez à cette mésintelligence quelques scènes de jalousie, et cela suffira à expliquer la décision que prit en décembre 1830 Aurore Dudevant de quitter Nohant pour y habiter Paris, en laissant bien entendu son mari au château qu'il était chargé de garder et de gérer. Le prétexte de cette séparation fut la question d'argent. Le ménage était gêné. Aurore affirmait qu'elle gagnerait facilement à Paris de quoi augmenter le revenu. Voilà donc la jeune femme installée en garçon rue de Seine dans le petit appartement de son frère et s'évertuant à gagner cet argent qui lui était si nécessaire. Pour y arriver, elle essayait d'abord de faire de la peinture, sans grand succès, puisque dans une de ses lettres, elle notait cette réflexion mélancolique « Respirer l'odeur balsamique des pommes de terre du Pont-Neuf a bien son mérite, quand on n'a pas le sou pour dîner. » Décidément, la peinture ne marchant pas, elle songe alors à la littérature. Enfin! Il lui fallait, pour débuter, un guide, un appui. Ce guide fut Henri de Latouche, un écrivain de talent qui avait à ce moment une situation au Figaro. Latouche, selon la formule de l'époque, voulut d'abord faire connaître sa protégée et lui procurer des relations. Il la mena à l'abbaye aux bois, chez Madame Récamier, la présenta à Delphine Gay et à toutes les célébrités de l'époque. Son genre curieux et garçonnier agit aussitôt. Elle plaît, elle séduit. Était-elle jolie? Les avis sont là-dessus très partagés, mais une chose est certaine, c'est qu'elle possédait un charme extraordinaire qu'aucun de ses portraits ne saurait rendre, et voici d'ailleurs sur son physique l'opinion de quelques contemporains. Auguste Barbier écrit d'elle après un dîner chez Bulloz. C'est une petite femme brune de peau et de cheveux, aux yeux bombés et aux pupilles de jais, au nez aquilin et aux lèvres épaisses, assez maigre, bref, une apparence de jeune garçon habillé en femme, un être plutôt étrange que beau et agréable. Balzac ne la traite pas beaucoup mieux, dans une de ses lettres à Madame Hanska, et pourtant, on écrira d'elle, plus tard, qu'elle séduisait infiniment et traînait tous les cœurs après elle. En attendant, elle faisait son apprentissage d'écrivain sous la férule assez dure, paraît-il, de Latouche. Elle collabore au Figaro, mais se plaint amèrement d'y faire une besogne sans liberté, une besogne d'ouvrier journaliste. Cela ne l'empêche pas, grâce à sa merveilleuse organisation de travailleuse, d'écrire la nuit son roman Indiana. Latouche y vit tout de suite la révélation d'un talent qu'il ignorait, et il le constata en écrivant à sa modeste collaboratrice ce mot enthousiaste. « Georges, je viens de faire amende honorable, je suis à vos genoux. » Ceci console de bien des choses, et la débutante, encouragée, prit vite sa place dans le monde littéraire. Elle le prit même bruyamment, menant une vraie vie de garçon, affichant des camaraderies variées avec Jules Sandeau d'abord, qui était son collaborateur, et puis avec beaucoup d'autres. Le succès d'Indiana fut considérable, mais sans s'attarder à le goûter, l'écrivain fécond publia, coup sur coup, Valentine, Lélia, qu'elle appelle l'acte le plus loyal de sa vie, Léon Léonie, Métella, etc., etc. En dépit de ses succès, en dépit de ses livres qui se vendaient à merveille, colportés en tous sens par ses nombreux amis, la pauvre George Sand continuait à être couverte de dettes. Pour fuir ses créanciers et trouver un peu de tranquillité, elle allait souvent se réfugier à Nohant. Elle fit aussi des voyages plus lointains, voyage en Suisse avec Litz et Dagou, et surtout ce voyage trop retentissant en Italie, en compagnie d'Alfred de Musset, malade, qu'elle soigna comme une mère à Venise. On devine que le mari falot de cette femme de lettres vagabonde, le pauvre du devant, ne put, malgré toute sa mansuétude, accepter la manière de vivre trop particulière de sa célèbre compagne. D'ailleurs, tout concourait à séparer ce ménage mal assorti. Du devant, de son côté, avait fait de mauvaises affaires, et la situation financière des deux époux était déplorable. Ils décidèrent de rompre leur union. Georges Sand s'en tira son honneur. Le tribunal lui laissa la garde de ses enfants, et la jeune femme, définitivement libérée cette fois, repartit pour s'installer à Paris avec ses enfants à l'hôtel d'Orléans auprès de la comtesse d'Agoult qui lui offrait l'hospitalité. Après cette période tumultueuse, l'écrivain semblait calmé. Elle travaillait ses nuits entières et trouvait malgré elle le temps de s'occuper dans la journée de l'éducation de ses enfants. Mopra parut, livre dans lequel semblait revivre le Berry tout entier. Elle comptait continuer cette série de romans campagnards quand elle fit la connaissance de Pierre Leroux, écrivain mystique, qui abusa du bon cœur de cette femme compatissante aux malheureux pour tourner son esprit vers la politique et les revendications sociales. De ce moment, Georges Sand négligea sa besogne de romancière pour se lancer à corps perdu dans la politique avancée, en compagnie de Leroux, de Barbès et de Sobrier. Cette incursion dans le socialisme l'a mis en désaccord avec Bulloz et lui ferma la revue des deux mondes. Elle n'en a cure et fonde, de ses deniers, la revue indépendante et l'éclaireur de l'Indre, qui ne furent pour elle qu'une cause de préoccupation, car ainsi qu'elle l'avoue dans sa correspondance, elle ne travaillait que pour le gratis. Cette crise politique passa comme les autres, lui laissant un seul avantage, l'amitié du prince Napoléon, avec lequel elle correspondait quand il était prisonnier au fort de Ham. Nous en arrivons maintenant à la dernière partie de cette existence agitée. Georges Sand, vieilli, assagi, revient définitivement dans son Berry, qu'elle a toujours aimé, et mène à Nohant l'existence régulière d'une châtelaine bien rentée. Elle a gagné des millions, mais n'a toujours pas d'argent. Qu'importe, ce qu'elle aime, avoue-t-elle, ce n'est pas l'argent, c'est la dépense. Sa maison est fort bien réglée. Elle y tient table ouverte, y crée, avec son fils Maurice, ce fameux théâtre qui attirait les étrangers et les parisiens. S'amuse à jouer aux marionnettes et travaille tout de même sans un jour de repos, se couchant à 7 heures du matin, se levant à midi et passant le reste de la journée à recevoir. Le pèlerinage à Nohant était devenu à la mode. Les comédiens venaient y jouer ses pièces. Tout Paris goûta sa délicieuse hospitalité et s'amusa des divertissements de ses marionnettes. Arrive la guerre de 1870, la Commune, qui lui enleva ses dernières illusions sociales, puisqu'elle écrit « La République idéale est loin, bien loin dans l'avenir ». Sa vieillesse était superbe, et il continuait à travailler sans arrêt pour soutenir son train de châtelaine, quand, au printemps de 1876, elle fut prise d'une maladie d'entrailles, contractée, dit-on, à la suite de ses baignades dans l'Indre. Elle s'alita le 30 mai et mourut le 8 juin. Sa mort fut saluée par les regrets les plus sincères, et Dostoïevski écrivait, résumant l'opinion unanime, « Les femmes de l'univers entier doivent porter le deuil de Georges Sand, parce que l'un des plus nobles représentants du sexe féminin est mort, parce qu'elle fut une femme d'une force d'esprit et d'un talent presque inouï. » C'était Georges Sand, la Dame de Nohant, par Jules Chancel.